La femme avait sursauté en entendant ce plaidoyer convaincant en forme de supplique, et puis à demi-mot, elle avait accepté, en quelque sorte, un essai probatoire. Elle viendrait si sa fille était d'accord, mais garderait encore un peu son logement de l'autre côté de la ville au cas où leur entente ne serait pas parfaite. Elle avait ensuite temporisé et mis plus d'un mois pour amener ses valises chez Marcel. 3 ans après, Annette était toujours là pour le plus grand bonheur du Colpi. Là, avec des habitudes bien ancrées, un avenir tout tracé et même un projet de voyage lointain en fin d'année pour sceller durablement leur grande complicité. Un matin, contre toute attente, Bernard furieux était revenu rue des Acacias, décidé à faire une leçon de morale à son père, jetant sans pudeur l'anathème sur la nouvelle compagne qui n'avait rien dit. Fou de rage et à bout d'arguments, Marcel avait jeté son fils dehors sans ménagement, puis s'était calé dans un fauteuil, la tête renversée, les yeux fermés. Alors, entre deux chaudes larmes, Annette avait murmuré à voix basse. « Tu sais, Marcel, il a peut-être raison, mais toi à sa place. Je crois que je vais chercher un autre logement, et je partirai dès que je pourrai. » Le Colpi n'avait pas répondu. Pâle comme un linge, il venait de faire un malaise cardiaque. Le professeur de la Timone, où il avait été hospitalisé, avait demandé à voir la famille. Rendez-vous fut pris, et le jour dit, Amélie, Annette et Josie étaient là, aussi inquiètes l'une que l'autre. L'homme en blanc avait parlé d'une opération à cœur ouvert, imminente, dès que l'état du malade le permettrait. Il était encore jeune, et il ne garderait vraisemblablement aucune séquelle. Mais il fallait attendre quelques jours pour un meilleur résultat, le choc de l'infarctus l'ayant passablement affaibli. Les trois visiteuses s'étaient concertées pour ne rien dire dans l'immédiat à l'homme qui les attendait impatiemment au service des soins intensifs et avait profité d'un court temps imparti à chacune pour aller faire la bise à Marcel. De toute évidence, à son visage émacié, on devinait qu'il était fatigué, mais son état ne les avait pas inquiétés outre mesure, et surtout, là où il était, on s'occuperait bien de lui. Le Colpi avait longuement serré la main d'Annette sans rien dire. Son regard, appuyé et lourd de sens, parlait pour lui. « Ne pars pas, Annette. J'ai encore besoin de toi. Mon fils t'a blessé, mais mon choix est fait depuis longtemps. Tu dois rester. Fais-le pour moi. »